attention, alerte, premier matin amoureux. Pour éviter la rupture précipitée et la déception amoureuse, adoptez les bons gestes. Brossez-vous les dents dès que vous êtes réveillé. Mouillez votre corps abondamment et frottez-le avec du savon afin d'éviter les mauvaises odeurs. Ne restez pas en slip plus d'une demi-heure après être sorti du lit. Retenez vos flatulences, évitez l'alcool au petit déjeuner. Tentez de trouver un sujet de discussion neutre et agréable tout en évitant la logorrhée. Ne parlez pas mariage, ne parlez pas d'enfants, ne parlez pas politique, ne présentez pas vos parents. Si votre partenaire s'habille pour partir avant le petit déjeuner, ne faites rien, il est déjà trop tard. Ceci était un message de la prévention psychologique. Ça va pas la tête ?